24-27, activation orale. Qui? Pronom relatif. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Robert va chez les Courtois le surlendemain. C'est un vendredi. Vous dites. Robert va chez les Courtois le surlendemain, qui est un vendredi. 2. Madame Courtois a une bonne. C'est une excellente cuisinière. Madame Courtois a une bonne qui est une excellente cuisinière. 3. Nous aurons un jeune Américain. Il est charmant. Nous aurons un jeune Américain qui est charmant. 4. Nous aurons un jeune Américain. Il ne connaît personne. Nous aurons un jeune Américain qui ne connaît personne. 5. Nous aurons un jeune Américain. Il sera ravi de faire ta connaissance. Nous aurons un jeune Américain qui sera ravi de faire ta connaissance. 6. On sert un potage. Il est excellent. On sert un potage qui est excellent. 7. Monsieur Courtois sert un château Lafitte. C'est une merveille. Monsieur Courtois sert un château Lafitte qui est une merveille. 8. J'ai mangé à Dijon des œufs brouillés. Ah, c'était des merveilles. J'ai mangé à Dijon des œufs brouillés qui étaient des merveilles.